Bien, bonjour et bienvenue dans votre cyber-revue de presse, L'Autre Monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Je me nomme François Marginan, je serai avec vous pour les deux prochaines heures sur les ondes de Choc FM, la radio de l'UQAM, l'alternative à Montréal et dans le monde. Nous en sommes à l'édition du 16 juillet 2007. Et ceci est la dernière émission de L'Autre Monde pour l'été, la session été officiellement ici sur Choc FM. Alors, on va prendre une pause jusqu'au mois de septembre ici. Et puis, comme je vous disais dans les semaines précédentes, sur la chaîne YouTube de L'Autre Monde, eh bien, je vais vous laisser quelques petites vidéos au courant de l'été. Alors, pour vous tenir au courant des dossiers les plus importants, alors allez faire votre tour. De temps en temps, vous allez retrouver des vidéos de durée variable sur des sujets variables sur lesquels j'aimerais vous entretenir. Alors, je vais quand même faire des petits coucous durant l'été. Alors, je vais venir vous voir et puis vous visiter un petit peu. Et alors, ne vous gênez pas pour aller visiter la chaîne YouTube là, de L'Autre Monde et aussi le site de Choc FM sur lequel vous trouverez, là, sur la page de L'Autre Monde, sur lequel vous trouverez toutes les archives des émissions par le passé, alors ce qui est unique en son genre. Alors, un gros merci à Choc FM pour diffuser cette émission et puis les garder en archive comme ça disponible pour tous les auditeurs. Alors c'est vraiment très précieux et apprécié. Alors voilà. Donc cette semaine, nous allons avoir sur la table les nouvelles de l'actualité. Alors comme d'habitude, vous avez remarqué que ces derniers temps, nous parlons régulièrement du Moyen-Orient, dont particulièrement l'Iran, la Syrie. Alors on va encore en toucher un mot cette semaine. On va parler un peu de santé aussi, de vaccins, de trucs du genre, de programmes de dépopulation mondiale. Alors aussi incroyable que cela puisse paraître et sonner, mais quand même, il y a des trucs assez particuliers qui se déroulent et puis qui en fait requièrent notre attention. Alors des trucs, des genres de dérapages scientifiques là, réellement, ou des dérapages idéologiques. Donc on va avoir ça à l'œil et puis on va parler d'économie. Alors l'économie aussi qui continue de réellement d'être très instable mondialement. Et tous les signes sont là, à l'horizon, et qui pointent vers la venue d'une sérieuse tempête économique, réellement au niveau mondial. Alors, nous allons explorer quelques-uns de ces signes qui pointent en cette direction. Alors, comme ils disent, la chance favorise les esprits préparés. Alors, ce n'est pas que de vivre dans la peur ou la paranoïa, mais plutôt d'être préparé à ce qui semble s'en venir, tout en gardant à l'esprit que nous sommes aussi des êtres de co-création, c'est-à-dire que nous créons ce que nous pensons. Alors, ce que nous sommes en train de créer est le fruit de notre pensée accumulée à travers les dernières années. Et puis, c'est un peu le résultat. Alors, tout ça agrémenté aussi des manipulations frauduleuses, réellement, des grands financiers et banquiers internationaux de ce monde. Alors, tout ça combiné a donné une belle petite recette. Alors, il faut quand même être responsable de notre partie du deal, c'est-à-dire que, en tant que citoyen du monde, réellement, chacun de nous sommes quand même responsables d'avoir laissé aller ce système à la dérive comme ça. Je veux dire, c'est évident que à un moment donné, on n'est pas responsable de tout, là. Je veux dire, il y a des gens qui sont vraiment des fraudeurs incroyables et qui entraînent des misères réelles dans le monde de par leur acte criminel. Et puis ça, ben, ces gens-là en sont pleinement responsables, là. Je veux dire, l'Islande en a pris en exemple plusieurs, en a enfermé plusieurs de ses banquiers, ainsi de suite, en prison, et puis ont corrigé les erreurs. Et puis d'ailleurs, l'économie islandaise se porte très bien. Très bien, une des meilleures dans le monde en réalité, en pleine croissance. Alors, comme quoi que faire le grand ménage sert à quelque chose. OK? Mais pour faire le grand ménage, il faut savoir où se situe le problème, n'est-ce pas? Alors, on essaie tout le temps de le régler d'une mauvaise façon, comme je l'ai souvent répété, dans plusieurs nations européennes, comme on le voit présentement, en Espagne, en Grèce, en Italie. Alors, pour essayer de sortir ces pays de leur faux pas économique, alors qui est un enlisement total dans la dette, parce que c'est un système monétaire basé sur la dette, au grand profit des banquiers privés internationaux. Eh bien, pour les en sortir, on prétend qu'il faut les enfoncer encore plus dans la dette. Alors, ce qui est complètement ridicule, n'est-ce pas? Mais c'est bien ce qu'on dit. Alors qu'en Islande, eh bien, on a fait le contraire. On s'est dit, écoutez, à un moment donné, on va comprendre que là, une grande majorité de ces dettes sont des dettes odieuses, c'est-à-dire que elles appartiennent au régime qui les ont encourues, les responsables, et puis le reste, ce sont des dettes qu'on va dissoudre parce que la population ne doit pas être forcé à rembourser des dettes qui sont premièrement fictives et puis qui sont ensuite mises en place pour contrôler les gens. Hein? Donc, une forme d'esclavagisme économique, mais qui est bien réelle. Nous sommes bien des esclaves économiques. Alors, voilà, la table est mise en cette émission. Donc, ben écoutez, je devais commencer par les nouvelles de l'actualité, mais on dirait que j'ai un petit penchant pour l'économie. Alors, on va peut-être commencer avec l'économie cette fois-ci pour faire différent en cette dernière émission de l'été officielle sur Choc FM. Alors, parlons d'économie tout d'abord, et puis on ira après ça avec les nouvelles de l'actualité internationale après. Alors, ben écoutez, si vous avez remarqué, les cours du pétrole sont excessivement bas. En ce moment, vous avez vu les cours du pétrole à des niveaux aussi bas, pas atteints en fait depuis 8 mois, sous les 82$ le baril en Europe, alors qu'on a eu des rapports sur la situation financière et en fait du marché du travail aux États-Unis très mauvais et puis qui ont évidemment envoyé des ondes de choc à travers la sphère économique mondiale. Et puis écoutez, on se retrouve avec grosso modo les prix du baril de pétrole qui oscillent entre les 80 et 85$. Et curieusement, vous avez sûrement remarqué, en tout cas ici au Québec, c'est le cas. Je crois que c'est le cas partout en Amérique du Nord et aussi en Europe, là. Je crois pas me tromper en m'avançant là-dessus, là. Les cours du baril de pétrole sont excessivement bas et puis vous avez remarqué qu'à la pompe, ils n'ont pas beaucoup descendu, là. En réalité, là, ici, on paie encore autour de 1,20$, 1,25$ le litre d'ordinaire. Alors, chers auditeurs, à 80$ le baril, normalement, là, on devrait payer sous la barre du dollar le litre. Là, on devrait voir les prix de l'essence à la pompe là, à environ 95 cents à 1$ le litre maximum. Donc, encore là, on voit les manipulations du cartel des pétrolières à l'œuvre, encaissant la différence comme un profit net dans leur poche. Écoutez, là, je veux dire, c'est absolument décoiffant de voir qu'il n'y a absolument rien qui est fait pour enrayer ça, pour faire quoi que ce soit, pour ouvrir des enquêtes. Je veux dire, c'est évident qu'il y a des... C'est évident, là, il y a quelqu'un qui se met de l'argent grassement là, dans les poches, là, grassement, là, je veux dire. Il y a quelqu'un qui empoche énormément d'argent, puis c'est pas... C'est certainement pas là, le petit revendeur, le petit marchand à la station-service là, qui est en train de se faire des millions de dollars. Là, on s'entend, là. Hein? Donc, il y a quelqu'un, quelque part, là, qu'on appelle les grandes pétrolières, là, qui sont en train de se faire énormément d'argent. Et puis, des gouvernements qui sont très joyeux, qui n'ont pas grand-chose à dire, parce qu'eux, ils taxent le prix de l'essence. Alors, évidemment, qu'il y a beaucoup plus de revenus d'une taxe qui est appliquée sur 1,26$ le litre que 96 cents le litre, n'est-ce pas? Alors, collusion, corruption qui est rendue la norme dans notre société, tout comme le système économique qui est finalement une fraude totale, vraiment un gros système criminel, disons-le. Je veux dire, c'est tellement irréel, tellement gigantesque, je veux dire, on a de la misère à en apprécier la profondeur de la criminalité. Et puis de la dangerosité, là, je veux dire, sur finalement le bien-être de tous les êtres humains de cette planète, je veux dire, de toutes nos nations, sans exception, je veux dire, on est tous soumis aux conséquences de ce système économique, n'est-ce pas? Donc, plusieurs articles fort intéressants pour vous à consulter cette semaine. Désolé si ça prend un temps incroyable de retrouver les articles dont je parle là, sur mon site Les Nouvelles Internationales. J'ai mis la semaine passée les sources d'information de l'émission du 2 juillet. Là, ce week-end, j'avais encore une mauvaise connexion Internet. J'ai pas pu mettre celle de la semaine passée, du 9. Ça va être fait très bientôt. Et puis, je vais mettre aussi les informations de cette semaine là, le plus tôt possible. Là. Pardonnez-moi pour le délai. Je suis quand même extrêmement désolé. Et puis, je dois composer avec ces pannes régulières là, de signal d'Internet. Là. J'habite à la campagne et puis je fonctionne par antenne, mes chers auditeurs. Alors, c'est pas aussi facile là, que par câble DSL. Là. Alors, on fait notre possible là, du fond de la campagne, chers auditeurs. Donc voilà, vous allez retrouver ces nouvelles, ces articles dont je parle ici. Donc, c'est vraiment une émission documentée pour les nouveaux auditeurs. Ici, on a un article de Michael Snyder, un contributeur au Activist Post, qui parle de 19 signes, avertissements, si on veut, d'une catastrophe financière globale qui s'en vient. Alors, écoutez, dans cet article, on parle justement que les leaders de la planète, les leaders mondiaux ont à peu près essayé tout ce qui pouvait être possible, hein, de tout ce qui pouvait leur tomber sous la main pour essayer de repousser ou d'annuler cette catastrophe financière globale qui continue de s'en venir en notre direction. Et puis, écoutez, là, on a vu les paquets de stimulus financiers, d'assouplissement quantitatif. Écoutez, on a coupé dans les taux d'intérêt, on a racheté des bons du Trésor, on a eu les sommets économiques d'urgence, on a eu les plans de sauvetage pour les banques, les plans de sauvetage pour des nations entières. On a eu des interventions gouvernementales sans précédent dans la business. On a eu des massifs montants de nouvelles dettes gouvernementales et puis qui ont été ajoutées au fardeau qu'on avait déjà. Et puis, absolument rien semble raviver cette économie globale. En fait, tout a l'air comme si on se dirigeait rapidement vers une sévère récession, sinon dépression mondiale. Je veux pas vous décourager, là, mais je veux dire, si on fait rien pour réaliser là, ce qui est en train de se passer, je veux dire, on va y goûter à la soupe, là. C'est certain, tous les signes sont là, chers auditeurs, là. Je le répète d'émission en émission, là, j'ai pas loin de 450 pages de titres, d'articles économiques, et puis je vais vous dire, tout mis ensemble, là, ça fait un dossier assez sombre, là. Je veux dire, à un moment donné, quand tous les signes sont là, c'est parce que là, il va falloir s'attarder à ça sérieusement. On a ce fameux index du Baltic Dry qui encore là pointe tous en direction d'un effondrement des marchés. Alors ça aussi, c'est un indice très important qui nous indique en fait là les transactions qui sont faites en fait dans le monde, en fait, d'import et d'export. On parle ici là de shipping international par cargo, ainsi de suite. Et puis là, on voit directement là, la quantité de produits qui se déplacent dans le monde, qui sont shippés. Et puis, vous voyez dans le graphique de cet article-là, une pente très abrupte, je veux dire, vraiment absolument hallucinante, là, qui descend, là. Et puis qui nous montre que l'économie est en train de saisir là, comme un piston là, dans son moteur. Là, je veux dire, vous avez les CEOs de Wall Street qui sont en train de pousser, de faire des pressions, si on veut, pour que l'âge de la retraite soit repoussé à 80 ans. Alors, ça, c'est... le CEO Robert Benmosh de AIG qui lui dit que les Américains devront faire face à la réalité et puis que l'âge de la retraite doit être poussé à 80 ans. Voilà, donc ça c'est des gens qui ont reçu l'argent des payeurs de taxes hein, pour être sauvés. Des milliards de dollars et puis qui disent que maintenant les gens devraient travailler plus tard, plus vieux. Donc voilà. Ensuite, vous avez toute cette histoire là, du scandale de Liber là, qu'on a parlé la semaine passée, très important. Le London Interbank Offered Rate. Alors, ça, c'est les taux qui sont offerts là, pour les échanges et les prêts interbanques. On a parlé de ce gigantesque scandale, en fait, le plus important scandale financier de la planète, là, peut toucher l'ordre de trillions de dollars. Selon le Financial Times, c'est plus de 900 000 prêts hypothécaires de maisons américaines aux États-Unis seulement qui sont liés à ce fameux index des taux d'intérêt qui est le LIBOR. Et le fait de manipuler évidemment ces taux ont des conséquences, comme on en parlait la semaine passée, gigantesques. En d'autres mots, vous savez, c'est plus de 275 milliards de dollars de dettes sur les maisonnées américaines qui pourraient être appelées en question s'il est prouvé que les banques majeures ont activement manipulé les taux pour voler les consommateurs. Hein, donc, jusqu'à date, là, vous avez le Bank of America, le JP Morgan Chase et la Citigroup qui sont liés à ce scandale incroyable là, dont une enquête a été ouverte. Et puis, vous avez aussi la banque britannique Barclays qui a admis avoir pris part à cette fraude financière incalculable. Et... bon, j'ai eu des commentaires après la semaine passée de différents auditeurs et d'ailleurs de mon correspondant français Stéphane Poutoir pour dire qu'en fait que ce n'est que la pointe de l'iceberg et puis il faut bien l'avouer évidemment que c'est bien que la pointe de l'iceberg. On parlait de 0,001% de manipulation qui pouvait rapporter des millions de dollars par jour de profit qui est complètement frauduleux, ce qui est complètement frauduleux. Et puis, en fait, certains parlent d'un point au complet de pourcent de manipulation qui a pu être joué. Puis effectivement, écoutez, vous avez cette fameuse politique là du dollar fort qui, depuis 1994 aux États-Unis, a nécessité une stratégie à deux volets, si on veut. Qui visait à garder les taux d'intérêt bas à cause des monnaies qui étaient assez faibles, qui était typifié par des taux d'intérêt assez élevés, et puis le prix de l'or qui devait être gardé très bas de façon artificielle, hein? Parce que sinon, comme on sait historiquement, les métaux précieux ont tout le temps été vus comme étant une alternative historique là, pour les monnaies qui sont faibles. Alors, on voulait évidemment pas que cette alternative apparaisse comme étant forte. Alors, vous avez ce fameux LIBOR, le London Interbank Offered Rate, qui était une de ces façons là pour justement trafiquer, manipuler les taux d'intérêt globaux liés au dollar américain. Alors, il y a toute une histoire, là, évidemment, là, à enquêter ici et puis à développer. On va essayer de surveiller ça pour vous. Mais vous avez ici, là, en face de vous, un scandale qui a plusieurs ramifications et qui va avoir des racines beaucoup plus profondes et importantes que ce que les médias vont vous présenter. Là. Je veux dire, soyez bien avertis de ça et puis je vous invite à rechercher, à visiter les sites de nouvelles alternatifs les plus crédibles que vous connaissez pour essayer d'en savoir plus, là, parce que je veux dire évidemment que c'est une histoire qui a beaucoup, sinon tout, à voir avec le fait de faire en sorte que le dollar américain apparaisse comme étant viable, comme étant la réserve monétaire du monde. OK? C'est quelque chose qui est lié à la Fed, aux banquiers privés américains qui contrôlent la banque centrale, la Fed, qui est lié aussi à la GATA, hein, qui est née dans les années 90. Ensuite, écoutez, je veux dire, je vais pas rentrer dans les détails de ça, là. Vous avez un article ici, là, fort intéressant pour vous à aller consulter. Vous allez comprendre, là, justement, ces histoires qui ont des ramifications beaucoup plus profondes, qui vont plonger dans le cœur du trésor américain et puis de son secrétaire, Lawrence Summer. D'un agrégat des produits dérivés de 302 trillions de dollars qui sont détenus par American Bank Holding. Et la symbiose qui existe entre les taux d'intérêt et puis l'or. Alors, vous avez toute une histoire là, comme ça là, qui est liée derrière ça. Qui fait en sorte que je dis qu'on manipule les marchés. Les marchés, autant des produits dérivés que des métaux précieux, ça fait plusieurs mois, je vous en parle de ça, là. Ça va finir par éclater à la face du monde. On a maintenu artificiellement haut la valeur du dollar américain, même si on l'a dévalué de phase en phase, là. On a voulu essayer de garder son apparence, son sex appeal, si on veut, pour que les nations du monde continuent à s'en servir comme étant une réserve mondiale, mais de plus en plus de nations maintenant s'en tournent. Et puis vous avez vu plusieurs nations faire des accords bilatéraux économiques dans lesquels ils utilisent leur monnaie respective au lieu d'utiliser le dollar américain pour faire leurs échanges commerciaux. Alors, de plus en plus de nations qui incluent le Japon, l'Iran, la Chine, la Russie, beaucoup de nations comme ça là, qui ont des volumes très très importants d'échanges commerciaux qui n'utilisent plus le dollar américain. Alors, grosso modo, il y a ça et puis il y a le fait que, bon, évidemment qu'on a tellement imprimé de ces dollars américains qu'on a doublé la masse monétaire les 2-3 dernières années et puis on l'a doublé les 2-3 autres d'avant. Alors, évidemment que le dollar américain ne vaut plus grand-chose. Donc, c'est une crise qu'on a essayé de dissimuler puis reporter le plus tard possible, mais elle arrive, là, la crise. Le dollar américain ne vaut plus rien. Là. Et puis, cette histoire du labor est liée à ça aussi. Alors, on a voulu maintenir artificiellement bas le prix des métaux précieux. Alors, attendez-vous à ce que le prix des métaux précieux finisse par exploser et puis que les monnaies du monde mangent un sérieux coup, particulièrement le dollar américain et puis l'euro. OK? Eric Sprott dit que l'or devrait atteindre des nouveaux records d'ici la fin de 2012. Devrait monter de 22%. Même affaire pour l'argent. Ensuite, vous avez des analystes qui avertissent. C'est quoi? HSBC, la grande banque, là, commence à avoir des sérieux problèmes. On parle ici de blanchiment d'argent, ainsi de suite. Vous avez des CEO qui avertissent qu'il y a plus de troubles qui s'en viennent. Alors, voyez, les banques sont impliquées dans toutes sortes de fraudes. L'Espagne, on dit qu'elle va devoir céder la plus grande partie de son contrôle de ses banques. Ça, c'est le Wall Street Journal qui rapporte ça. En échange pour avoir une assistance monétaire, selon un accord qui est rédigé, là, qu'on est en train de rédiger, pour avoir un plan de sauvetage de ces banques. Vous voyez comment on est en train de prendre contrôle de l'infrastructure économique de nos pays. C'est vraiment un coup d'état économique de la part de ces banquiers privés internationaux qui sont en train de nous mettre à genoux, de faire fi de notre souveraineté nationale et puis de carrément prendre contrôle de nos systèmes économiques dans le but éventuellement de faire tomber les monnaies et puis d'instaurer un système économique électronique, uniquement à 100% électronique, contrôlé par puce ou peu importe. Ça peut vous paraître science-fiction, mais regardez bien ça. C'est pas des choses que j'invente, c'est des choses qui sortent des documents de planification, des agendas de plusieurs banques et puis d'organisations économiques, ainsi de suite. Ensuite, vous avez l'Espagne qui a dévoilé des nouveaux plans pour des mesures d'austérité brutales. Écoutez, on annonce des coupures dans les budgets de plus de 65 millions d'euros, 79 millions de dollars. Écoutez, c'est la quatrième ronde de coupes dans les budgets depuis son élection au premier ministre espagnol Mariano Rajoy. Alors, écoutez, ça commence à faire énormément mal. Donc, la population qui est en train d'être appauvrie, réduite en miettes. On est en train d'éliminer la classe moyenne volontairement. Donc, écoutez, ça va faire extrêmement mal. Là. Vous regardez l'Espagne qui va réellement là, manger de la poussière dans pas longtemps. Ensuite, vous avez un article ici qui parle de ces taux d'intérêt composés et puis de cette bulle de dette. Albert Einstein qui avait déclaré ici, et je cite, que les taux d'intérêt, en fait les intérêts composés, sont la huitième merveille du monde. Ceux qui la comprennent, ceux qui les comprennent, si vous voulez, ceux qui les comprennent en profitent, et puis ceux qui ne les comprennent pas, les payent. Albert Einstein qui avait déclaré ceci. Les taux d'intérêt composés. Écoutez, c'est la dernière forme d'esclavagisme qui existe sur la planète Terre, les taux d'intérêt composés. Je veux dire, ça a été pendant longtemps, dans plusieurs religions, un péché capital. Là, je veux dire, d'extrêmement grave. Un péché mortel, là, réellement. Donc, vous avez ici un autre article là, qui parle, écoutez, la fin est proche, là, réellement. Là, vous avez l'état fiscal des États-Unis qui est sur le bord du précipice. Là, ici, vous avez la US budget, le déficit budgétaire des États-Unis qui a grandi qui s'est alourdi de 60 milliards de dollars au mois de juin, qui vient juste de passer. Et puis, qui, si la tendance se poursuit, est en route pour excéder le trillion de dollars pour une quatrième année d'affilée. Donc, d'ici la fin de l'année fiscale, qui se termine au mois de septembre, le 30 septembre aux États-Unis, le déficit budgétaire total devrait se chiffrer autour du 1,17 trillion de dollars selon le Congressional Budget Office aux États-Unis. Imaginez, un trillion de dollars de déficit. C'est 1000 milliards de dollars. Là. Vous réalisez les chiffres dans lesquels on patauge. Là. Je dis, c'est ridicule. Là. C'est la quatrième année d'affilée. Là. Je dis, ça fait quatre années des 4 trillions de dollars là, dans le trou. Sacrifice. C'est incroyable. Mais là, aux États-Unis, ça continue de dégringoler comme ça. San Bernardino est la troisième ville californienne à déclarer banqueroute en 2 semaines. Alors, ça, c'est rapporté par AP. Donc, ça aussi, là, c'est quelque chose là, qui devient une réalité du paysage économique des États-Unis. Des villes en entier font banqueroute. Là. Ils déclarent banqueroute. Right? Alors, là, ça continue. Des villes qui font banqueroute. Ensuite, vous avez un autre article qui parle de l'économie américaine par les chiffres. Alors, 70 faits que Barack Obama ne veulent pas que vous voyez. Alors, un article évidemment destiné au public américain, mais dont je vous rapporte quelques faits intéressants. Donc, je ne le rapporterai pas toutes, là, mais je veux dire quelques faits quand même intéressants. Vous en avez plusieurs de ces articles là, qui répertorient une multitude de points comme ça pour vous, là, pour vous montrer un peu là, l'état de la situation. Là. Je veux dire, quand on a toutes les données économiques comme ça dans le visage, ben ça devient assez convaincant à un moment donné. Là. Écoutez, ça, 3,59, là, vous avez un paquet de chiffres comme ça, là, puis après ça, on vous dit c'est quoi la signification. Alors, 3,59, 3,59. Ça, c'est quand Barack Obama est entré à la Maison-Blanche. Le prix du gallon de pétrole aux États-Unis était 1,85. Aujourd'hui, c'est 3,59. 22. Alors, c'est difficile à croire, mais aujourd'hui, ça, c'est le taux de pauvreté pour les enfants qui vivent aux États-Unis. 22%. Prochain chiffre, 23. Selon Betty Sutton, une représentante américaine là, au gouvernement américain, vous avez en moyenne 23 installations de manufacture qui sont fermées de façon permanente aux États-Unis à chaque jour depuis 2010. 30. Alors, en 2007, environ 10% de tous les Américains sans travail avaient été sans travail pendant 52 semaines ou plus. Aujourd'hui, ce chiffre est au-dessus de 30%. 30% de tous les Américains qui sont sans emploi l'ont été pour plus de 52 semaines et plus. Alors imaginez, c'est incroyable. 32. Ça, c'est le montant d'argent que le gouvernement fédéral a donné directement aux Américains, okay, qui a augmenté de 32% depuis Barack Obama a rentré à la Maison-Blanche. 35, ça, c'est le prix des maisons américaines, alors qui a baissé de 35% depuis son pic de la bulle... du secteur de la construction des maisons. Alors, vous voyez, 40, ça c'est le taux de gens qui sont sans emploi aux États-Unis. Donc, ça continue comme ça. Écoutez, c'est assez particulier de voir ça tout en ligne, comme je vous disais. Donc, vous en avez une quantité énorme de ces chiffres chocs qui vous laissent comprendre très clairement que la situation aux États-Unis est vraiment pas rose. Mais on parle des États-Unis et puis vous devez comprendre que c'est la réalité à peu près partout dans tous nos pays, là. Écoutez, si vous avez un chiffre, c'est incroyable, 5 trillions de dollars, ça c'est la dette nationale américaine qui a été ajoutée à la dette existante depuis que Obama est entré en fonction il y a un petit peu plus de 3 ans. Alors, en un peu plus de 3 ans, Obama a ajouté plus à la dette nationale que les 41 premiers présidents combinés ensemble. Vous avez bien compris. Alors, vous avez un autre chiffre assez incroyable ici. C'est 11 440 milliards de dollars. Ça, c'est le montant total de la dette des consommateurs aux États-Unis. Vous avez bien compris. La dette officielle nationale des États-Unis est de pas loin de 16 trillions de dollars. Mais les vrais chiffres vont de 70 à 200 trillions de dollars. Parlant de 200 trillions de dollars, ça c'est le montant que les 9 plus importantes banques aux États-Unis possèdent en exposition. Ils sont exposés de 200 trillions de dollars dans les marchés des produits dérivés. Méchante bulle. Imaginez si ce marché des produits dérivés venait qu'à s'effondrer complètement. Il n'y aurait pas assez d'argent dans tout le monde pour réparer ce qui viendrait d'arriver. C'est des chiffres qui sont absolument sans entendement. Alors, 28% de tous les contrats fédéraux vont s'en aller à seulement que 10 compagnies, puis toutes ces 10 compagnies fabriquent des armes ou fabriquent des systèmes d'armement. Alors, vous savez, le gouvernement instaure des mesures d'austérité un peu partout, comme c'est le cas aussi aux États-Unis. Mais par contre, vous savez, l'argent ne tarit pas quand il se dirige vers le Pentagone et puis ses contracteurs en armement. Hein? Alors, selon un sommaire des contracteurs fédéraux, des contracteurs qui font affaire avec les agences fédérales américaines, produit par le Federal Procurement Data System, le département de la Défense a donné plus de 372 milliards de dollars, ce qui est 70% de l'enveloppe totale de 532 milliards de dollars des contrats gouvernementaux qui ont été dépensés durant l'année fiscale de 2011, avec seulement 10 fabricants d'armes qui comptaient pour plus de 28% de tous les contrats, en hausse de 25% de l'année passée. Alors, imaginez, pouvez-vous imaginer ce que 378 milliards de dollars pourrait faire pour arranger, pour aider, par exemple, juste les infrastructures qui sont en train de s'effondrer aux États-Unis ou l'économie ou quoi que ce soit d'autre? Hein? Alors, on a un autre article ici qui parle qu'il y a 100 millions d'Américains en âge de travailler qui n'ont pas de travail. Alors, j'en avais fait état aussi il y a quelques semaines. Je veux dire, ne croyez pas les chiffres officiels là, de taux de chômage, là, chers auditeurs, aux États-Unis. Là, c'est de 80 à 100 millions d'Américains en âge de travailler qui n'ont pas d'emploi. Okay? C'est au-dessus de 30%, c'est 30 à 40% des Américains qui n'ont pas d'emploi, en fait, qui est le taux de chômage. Là, le vrai taux de chômage aux États-Unis, c'est 30-40%. Bang! Pas plus compliqué que ça. Bon, écoutez, les banqueroutes en Californie ont augmenté de 557% entre 2006 et 2011. Alors ça, c'est le marché des maisons, le marché domiciliaire qui est en train de s'effondrer. Donc, ça continue. Ted Butler, c'est qui parle de la CFTC qui a menti et qui est complicite dans les manipulations des métaux précieux, dont l'argent. Ensuite, il accuse le gouvernement américain d'être directement impliqué dans ces manipulations des métaux précieux. Donc, très intéressant ici aussi à découvrir. Bankia qui vend pour 24 milliards de dollars. Écoutez, c'est le groupe Bankia. C'est un groupe espagnol qui a été nationalisé le mois dernier, qui maintenant demande et qui va trouver un beau plan de sauvetage de 19 milliards d'euros d'argent du gouvernement pour sauver ce groupe bancaire. Alors, vous voyez le système bancaire espagnol là, qui est financé, qui est vraiment en train de foutre le camp. Le Japon et la Chine qui, comme je vous disais, ont largué le dollar et ont commencé à faire des échanges commerciaux directement dans leurs devises depuis le mois de juin. Alors, ça aussi, c'est très, très, très important comme développement. Plusieurs articles comme ça. Ensuite, ici, une autre affaire assez choc là, qui se passe aux États-Unis, mais qui reflète un peu la mentalité encore là de ces fameux fraudeurs économiques et financiers et gouvernementaux là, qui sont tous de mèche. Réellement, un genre de nouvelle là, qui est susceptible de déclencher une révolution. Là, je veux dire, écoutez, on donne des plans de sauvetage aux grandes banques. ces grandes banques-là, on s'est rendu compte qu'elles ont perdu énormément d'argent parce qu'elles ont joué au grand casino des marchés des produits dérivés. Et puis quand elles se sont mis à tout perdre, eh bien, les banquiers se sont avancés, pas les banquiers, mais les gouvernements se sont avancés, ont pris de l'argent des payeurs de taxes et ont dit, ben, on va vous sauver. Hein? Donc là, ben, vous avez le Wall Street Journal qui a rapporté, il y a, ça c'est une nouvelle qui doit dater de 2-3 semaines, là, que vous avez une équipe qui s'appelle Team Obama qui a pris des mesures formelles pour garantir, pour mettre les payeurs de taxes derrière en support des échanges de Wall Street dans les marchés des produits dérivés. Pas derrière les banques qui pourraient faire des erreurs dans les marchés des produits dérivés, mais derrière les échanges eux-mêmes. Alors, vous savez, ça, c'est les mêmes équipes qui clamaient contre les dangers des produits dérivés, qui sont maintenant tranquillement en train de positionner ces instruments financiers directement au-dessus des payeurs de taxes qui vont agir comme, si vous voulez, un filet de sauvetage. Donc, grosso modo, ce que ça veut dire, là, c'est que le gouvernement américain va laisser Wall Street aller complètement wild, complètement whew, yeah! Party! OK? Avec... Ah, écoutez, là, c'est des mises à haut risque, là. On a vraiment un casino, là, qu'on appelle les marchés des produits dérivés. Puis même après des désastres comme AIG, et sur lequel on a encore dépensé des milliards des payeurs de taxes pour les sauver, ben, on laisse ces gens de Wall Street continuer de jouer au grand casino des marchés des produits dérivés. On les laisse gambader complètement sans contrôle comme ça à travers le monde. Et puis, au lieu de comprendre les leçons de ce qui s'était passé en 2007-2008 lors du premier crash financier, au lieu de mettre ces gens-là en prison comme l'Islande a fait, ben non, on les lâche lousse, on les lâche en pleine liberté dans les champs, on les dit, allez-y gambader dans les produits des marchés dérivés, allez-y dépenser votre argent, allez, gambling maximum, yahoo! OK? Ils sont devenus de plus en plus gourmands, de plus en plus débiles. L'exposition au marché des produits dérivés en Europe seulement est d'à peu près 100 trillions de dollars. OK? Alors, ce que Wall Street et puis Washington DC ont fait ces dernières semaines, c'est de rendre officiel, c'est de tout simplement lâcher l'exposition au marché des produits dérivés, en fait, les risques sur le dos des payeurs de taxes. Et puis, quand le système va imploser, ce qui est inévitable, eh bien, ils vont venir cogner à la porte des payeurs de taxes pour leur argent, pour leur or, pour leurs bijoux, pour les dents en or, votre argent, votre cuivre, votre voiture, la vie de vos enfants qui vont être promises comme étant esclaves pour payer les dettes pour les prochaines 20 générations. Hein? C'est ça le futur qu'on vous réserve. Alors, voyez le volet économique fort intéressant. On est juste rendu à la page 18 de 444 pages que j'ai. Ben, c'est ça. Vous avez les Rockefeller puis les Rothschild apparemment qui ont, selon ZeroEdge.com ici, un article, là, et puis on en parle ici dans un rapport de Financial Times, les Rockefellers et puis les Rothschild qui se seraient unis. Alors, genre de fusion. Alors, imaginez les deux plus importantes familles d'Europe et des États-Unis qui se soudent ensemble, qui s'unissent sous un groupe commun qui va s'appeler The Rothschild Investment Trust and Rockefeller Financial Services. Ouais. Alors, les deux patriarches, David Rockefeller, 96 ans, puis le Lord Rothschild, 76 ans, ont évidemment été connectés depuis au moins 5 décennies. Mais là, imaginez... imaginez ces deux forces globales qui s'unissent. Alors voilà. Des nouvelles assez incroyables. Donc, une autre nouvelle ici qui est sortie il y a quelques semaines, on parlait de cette, genre de course sur les banques. En fait, les gens qui vont retirer l'argent, on appelle ça des bank runs. Alors, ça, c'est en train de se passer. 31 milliards d'euros de dépôts qui ont été retirés des banques seulement qu'en avril. Écoutez, ça, c'est des chiffres officiels qui sont sortis. Alors, vous voyez, les gens qui ont commencé à retirer massivement leur argent des banques par peur de ne pas en revoir la couleur. Ouais. Ensuite, vous avez des pays du tiers-monde ou des pays en voie de développement, comme le Nigeria, qui ont décidé de se couper de leur exposition face à l'Europe. Alors, ont coupé leur investissement et puis leur réserve d'euros. Et ouais. Alors, maintenant aussi, c'est le tour de l'Afrique du Sud d'en faire pareil. Donc, il y a plusieurs nouvelles qui vont dans ce sens-là et puis qui vous montrent que, effectivement, là, les nouvelles ne sont pas roses du tout, là, et puis n'augurent pas rien de bon, là. Vous avez les bons du trésor de 10 ans américains qui ne rapportent que 1,62%. Alors, vous voyez, ça, c'est son plus bas niveau depuis 60 ans. Selon le Télégraphe, ici, les prix du pétrole devraient doubler d'ici 2022, selon aussi un document du FMI. Ensuite, on parle ici des profits des grandes corporations qui continuent d'augmenter alors qu'on fait face à des taux de chômage de masse record. Alors ici, c'est le Fortune Magazine qui a publié son top 500 des plus grandes corporations américaines et puis qui avait montré que ces corporations avaient reçu et des profits combinés de 824 milliards de dollars en 2011, une augmentation de 16% depuis 2010, alors qu'on a vu, par contre, le revenu des employés et puis le taux des chômages augmenter, en fait, l'argent, les profits des employés baisser, puis le taux de chômage augmenter. Ensuite, vous avez une poursuite judiciaire en Inde pour... mettre leur argent sur leur or qui est emmagasiné à la Banque d'Angleterre et puis dans la Banque des International Settlements, donc des règlements financiers internationaux. Alors, évidemment que vous avez plusieurs nations comme ça qui ont rapatrié maintenant leurs métaux précieux. Vous savez, c'est pas des, comme je vous disais depuis plusieurs semaines, c'est pas des paranoïaques qui hallucinent là, dans leur sous-sol, là, qui vous avertissent là, qu'il va y avoir un chaos financier important qui s'en vient. Là. C'est des banques centrales qui se préparent, c'est des milliardaires qui se préparent, c'est des corporations, des multinationales qui se préparent. Écoutez, c'est des gros joueurs. Donc, plusieurs nouvelles qui vont dans ce sens-là. Je vais vous laisser cette semaine quand même plusieurs nouvelles là, qui parlent de l'économie pour vous là à regarder. On parle des baby boomers ici qui devront dire au revoir à leurs épargnes pour leur retraite. Alors, plusieurs plans de retraite qui vont être tout simplement anéantis. Je veux dire, ça c'est à prévoir malheureusement. Des gens qui pensaient s'être ramassés des montants d'argent pour prendre la retraite vont se retrouver avec pas grand-chose devant eux autres, je peux vous dire, là, malheureusement. Là. Donc, voilà un autre ici, un autre article qui parle de ces 86 millions d'Américains visibles sans emploi. Alors, écoutez, avec 95... Le taux total là aux États-Unis, là, c'est pas loin de 100 millions quand je parlais. Là, c'est 94,5 millions d'ici, on parle d'argent, de personnes aux États-Unis, d'Américains qui ne travaillent pas. Alors, les taux de chômage aux États-Unis, présentement, sont d'autour de 45% et non pas seulement les 8% dont les médias n'arrêtent pas là, de faire la propagande. Donc voilà, les États-Unis qui sont à vendre, un groupe chinois qui planifie construire une China City, une ville chinoise de 200 acres au Michigan. Alors, incroyable. Donc, la Federal Reserve qui autorise maintenant la Chine communiste pour prendre contrôle des banques américaines. Alors, c'est la première fois que la Fed aux États-Unis approuve une prise de contrôle de banques américaines par la Chine. Alors, voyez, la Chine qui est en train d'acheter les États-Unis. C'est incroyable. Donc, Standard & Poor's Rating Services qui estime qu'on va avoir un autre problème ici de corporations non financières dans la zone européenne, anglaise, américaine, en Chine, au Japon, à 43 trillions de dollars, à 46 trillions de dollars au-dessus, c'est-à-dire au cours des 5 prochaines années. Ça inclut 30 trillions de dollars de dettes qui va devoir être refinancée, puis 13 trillions de dollars à 16 trillions de dollars de nouvel argent qui va devoir être imprimé, là, si vous voulez, être créé pour supporter la croissance selon un rapport de l'agence de notation de crédit qui a été publié il y a quelques temps. Alors, écoutez, c'est une autre tempête, si vous voulez, de crédit, là, une tempête parfaite du crédit de 46 trillions de dollars qui est en train de fomenter à l'horizon. Jamie Dimon de JP Morgan & Chase et puis la Fed qui sont enlisés dans des millions et des trillions de dollars de fraude, insiders qui sont pris dans des, écoutez, là, c'est incroyable, 16 trillions de dollars de plans de sauvetage et puis de prêts. Et puis les médias qui n'en rapportent absolument rien. Écoutez, c'est absolument débile, là. Je veux dire, des fraudes absolument incroyables. Les services postaux aux États-Unis qui ont perdu 3,2 milliards de dollars dans le deuxième quart financier, hein, pour vous dire, une autre histoire incroyable. 12 millions ici d'hypothèques aux États-Unis qui ne sont pas remboursées aux États-Unis. Donc, c'est en train de briser de partout. Toutes les coutures sont en train de lâcher de l'économie américaine. Alors, s'imaginer, l'économie américaine est en train de buster. L'économie européenne est en train de buster. C'est pas l'économie asiatique qui va retenir ça, là, hein? Donc, on se comprend, là. Donc, c'est ça le portrait financier dans lequel vous faites face. Ici, un autre article, 18.5, que la crise bancaire en Europe ne fait que commencer et puis va continuer d'empirer. Alors, ça aussi, là, un autre article là, qui rapporte un paquet de chiffres là, absolument effarant. Le gouvernement italien a assigné des gardes du corps à 550 individus. Imaginez. Et puis, on a augmenté la sécurité à 14 000 endroits en réponse à la violence reliée à la crise économique. Ça fait ce qu'on apprend des choses comme ça. Pareil, hein? C'est quand même assez incroyable. Ouais. Donc, ça continue, chers auditeurs, comme ça. Nous, on va s'arrêter un peu là, sur ces nouvelles économique, là. Vous avez une autre nouvelle ici. Mon Dieu, c'est dur d'arrêter, je vais vous dire. Les dépositeurs, les Grecs qui ont déposé de l'argent ont retiré plus de l'équivalent de 700 millions d'euros, 900 millions de dollars de leur banque locale de la nation, a déclaré le président Karolos Papoulias. Et puis, ça s'est passé depuis le 6 mai, où on a eu presque, écoutez, pas loin de 1 milliard de dollars qui a été retiré des banques grecques. Puis ça, c'est un montant incomplet, parce que c'est une nouvelle qui date déjà d'il y a plusieurs semaines. Alors, imaginez. Des montants quand même assez incroyables. Alors, on va vous laisser avec tout ça. Vous allez trouver plusieurs nouvelles par rapport aux élections grecques qui se sont passées. Les banques européennes qui font face à des pertes énormes dans la banqueroute qui s'en vient de la Grèce, de l'Italie, de l'Espagne, Portugal, des autres nations. Alors, je vais vous laisser plusieurs nouvelles par rapport à ça. Manifestations qui se passent dans les rues en Espagne, dans toutes ces nations-là aussi. Des gens qui résistent et qui font bien de résister. Des pertes de transactions de JP Morgan de plusieurs millions de dollars que vous avez trouvé. Moody's qui a downgradé 26 banques italiennes ont baissé leurs notes de crédit, ainsi de suite. Les banques espagnoles, la même affaire. La Chine qui a refusé d'acheter plus de dettes européennes, des banques américaines qui sont très lourdement impliquées dans la dette européenne. Évidemment qu'elles sont intimement liées. Si une tombe, l'autre tombe avec, évidemment. Donc, allez voir ça. Évidemment, les marchés asiatiques qui aussi continuent de faire des up and down avec toutes ces crises financières qui sévèrent dans tous ces pays européens et puis en Amérique du Nord. Donc, je vais vous laisser, comme je vous disais, avec toutes ces nouvelles. Et puis, on se retrouve après la pause avec les nouvelles de l'actualité mondiale. I need your love tonight. I want to hold you tight. And when the time is right, I want you by my side. And when you come around, I know where I'll be found. I'm on your doorstep. I'm knocking 1, 2, 3. I've been gambling the days of my life away. Never listen to the words you say. Now I need to be alone. Need to roll and rest my bones. I ask for caution, consideration. No destination for this question. Are you feeling in the mood tonight? Are you feeling in the mood tonight? Are you feeling in the mood tonight? Vous êtes de retour à l'autre monde. Alors, on va aborder la partie actualité, nouvelles diverses, Moyen-Orient, ainsi de suite, un peu de santé. Donc, vous allez voir là, un petit méli-mélo. Encore là, deux pages d'informations qui vont se retrouver sur mon blog personnel, Les Nouvelles Internationales, dont vous connaissez sûrement l'extense, sur lequel se retrouvent toutes les sources d'informations dont je discute ici. Alors, un petit rappel ici important, j'en avais parlé dans le passé aussi, là, de ces fameux compteurs intelligents. C'est pas parce qu'on n'en parlait pas que cette idiotie ne se poursuivait pas. Il faut vraiment s'opposer à ces trucs-là. Il y a beaucoup de raisons de s'y opposer, autant pour les radiofréquences dans lesquelles nous sommes baignés à plusieurs reprises par minute. Alors, c'est aux 30 secondes, des fois ça peut être aux 5 secondes, ça peut être quelques fois par minute. Une chose est certaine, c'est qu'on est baigné d'encore plus d'ondes dont on n'a pas besoin, des radiofréquences qui sont néfastes pour la santé. Et on a aussi le volet de la surveillance massive qui le représente. Et ce n'est pas encore là une question d'hallucination, de paranoïa ou quoi que ce soit. C'est encore confirmé ici, cette fois, par ce qu'on appelle les European Data Protection Supervisor. En fait, c'est le superviseur de la protection des données européennes qui a averti que ces fameux compteurs intelligents constituent une menace à la vie privée significative et voudraient d'ailleurs limiter la rétention des données sur les consommateurs avant qu'il ne soit trop tard. Alors, cette agence est une figure d'autorité indépendante et elle a été mandatée pour identifier où les politiques européennes peuvent représenter un risque à la vie privée. Et puis, il a reconnu que ces fameux compteurs de la prochaine génération qui ont la capacité de suivre à la trace, de tracer l'utilisation électrique à l'intérieur des maisons, représentent fortement un candidat à être une forme de technologie qui peut être utilisée et qui pourrait porter atteinte, qui pourrait menacer la vie privée. Alors, ces gens-là ont admis qu'il y a des avantages à ces fameux compteurs intelligents, mais ont averti que la technologie peut aussi permettre, si vous voulez, l'accumulation de données privées, personnelles, et avec lesquelles on peut suivre les membres d'une maisonnée et ce qu'ils font à l'intérieur de leur vie privée, à l'intérieur de leur propre maison. Alors, un article fort intéressant ici, puis ne pas perdre de vue tout ce dossier fort important. Alors, on essaie d'installer ces fameux compteurs intelligents partout en Amérique du Nord et en Europe. Une vraie poussée commune comme ça, qui est loin d'être une coïncidence. Ensuite, une petite vidéo qui est sortie il y a quelques semaines aussi, mais qui est vraiment, inspirante, si on veut. Une vidéo qui met en lumière un représentant de l'Illinois aux États-Unis sur le plancher congressionnel. Et puis, vous avez une vidéo. Alors, c'est quand même là, ça vaut la peine d'être vu réellement, de voir ce personnage qui s'appelle Mike Boast, réellement, là, dit sa façon de penser au reste des gens qui sont là, et puis c'est vraiment fantastique de voir ça. Donc, si vraiment tous nos représentants au gouvernement étaient comme ça, il y aurait lueur au bout du tunnel. Ensuite, un fort intéressant article ici. Malheureusement, j'ai la version anglaise, mais si vous allez sur mondialisation.ca, qui se trouve à être un des sites là, de recherche de la mondialisation de Michel Chosudovski. Alors, vous allez trouver un article aussi en version française de Julie Lévesque qui s'appelle Haïti. L'aide humanitaire pour les victimes du tremblement de terre sont utilisées pour construire des hôtels 5 étoiles. Alors, une nouvelle qui a été publiée le 28 juin 2012 et où on apprend que il y a encore 500 000 Haïtiens qui vivent toujours dans ces camps de réfugiés, alors qu'on construit des hôtels 5 étoiles parmi ces shanty towns, alors ces bidonvilles, si on veut. Alors, c'est quand même assez incroyable. Vous avez les gouvernements occidentaux qui ont insisté que l'argent d'aide humanitaire pour l'Haïti a été donné à des agences non gouvernementales et des fondations plutôt qu'au gouvernement haïtien qu'ils considèrent être corrompus. Mais écoutez, les gens aux États-Unis, au Canada et puis dans l'Union européenne qui ont donné de l'argent pour ces organisations humanitaires et puis ces organisations non gouvernementales n'ont pas réalisé que leur contribution pour la reconstruction d'Haïti était pour finalement être canalisée vers la construction d'hôtels 5 étoiles, qui sont là pour héberger des hommes d'affaires étrangers. Évidemment que leur attente était que cet argent était pour être utilisé pour apporter de la nourriture et des logis pour le peuple haïtien. Donc, une nouvelle fort intéressante là ici à aller consulter. Une autre nouvelle publiée le 2 juillet par le Guardian, qui est un des importants journaux de l'Angleterre, où on titre « We were wrong on peak oil, there's enough to fry us all ». Alors, on n'avait pas raison, on s'est trompé à propos du pic pétrolier. Alors, il y en a assez pour nous frire tous. Alors, écoutez, depuis les 10 dernières années, des coalitions peu probables de géologues, de drillers, de perforeurs pour le... de foreurs pour le pétrole, excusez-moi mon trébuchage, ensuite de banquiers, de stratégistes militaires et d'environnementalistes, nous ont avertis de ce pic pétrolier et puis du déclin des ressources globales et que ceci était juste sur le point de se produire. Et puis moi, ça fait des années que je vous dis que cette histoire, c'est une autre fabrication, comme le réchauffement climatique causé par l'homme, alors que les changements climatiques ont été constant. Je veux dire, c'est une affaire qui est constante, c'est que le climat n'est jamais stable et tout est en train de varier selon différents cycles. Alors, cette histoire de pic pétrolier en était une pour différentes raisons. Et puis, on s'aperçoit finalement que les réserves de pétrole sont loin de tarir. Et puis, en fait, on est en train de découvrir des réserves gigantesques un peu partout sur le globe. Et en plus du fait que le prix du baril a énormément augmenté ces dernières années, des sources d'approvisionnement de pétrole qui n'étaient pas rentables dans le passé le sont maintenant très grandement et on développe d'autres énormes réserves qu'on avait. Donc là, vous avez une nouvelle étude qui a été publiée par l'Université de Harvard, par un exécutif des compagnies pétrolières, en fait, Leonardo Mogherini, qui lui a présenté des évidences très convaincantes qu'un nouveau boom pétrolier a commencé. Et puis, il vous parle un peu de ce que je viens de vous dire, de l'augmentation des prix du baril de pétrole, et ainsi de suite. Mais on s'attend à ce que les quantités de pétrole disponibles augmente par un net 17 millions de barils par jour à 110 millions de barils par jour d'ici 2020. Alors, c'est, on dit, une des plus grands ajouts aux quantités de pétrole disponibles dans le monde depuis les années 80. Donc, des nouvelles fort intéressantes. BP qui annonce que le Venezuela a maintenant la plus importante réserve de pétrole au monde. Alors ça, c'est BP là, qui vient de publier son ce qu'on appelle le Statistical Review of World Energy, qui est un rapport annuel dans lequel eux autres ils disent que le Venezuela possède les réserves les plus importantes de pétrole, les réserves prouvées de pétrole dans le monde, surpassant maintenant le leader de l'Arabie Saoudite. Alors, c'est pas l'Arabie Saoudite maintenant qui est en première position, c'est bel et bien le Venezuela. Alors, on dit que la nation sud-américaine possède des dépôts de pétrole estimés à plus de 296,5 milliards de barils, ce qui est plus que les 265,4 milliards de barils de l'Arabie Saoudite. Donc, voilà, fort intéressant. Fort intéressant. Est-ce qu'on va voir les efforts américains pour déstabiliser le gouvernement de Hugo Chavez, pour installer un gouvernement plus marionnette et esclave de Washington? Et pour dénationaliser les pétrolières que Chavez a nationalisées, pour permettre le développement privé des gisements de pétrole au Venezuela, surveiller des développements dans cette région dans les prochains temps. OK, une autre nouvelle, j'en parlais un peu dans les dernières émissions, je continue d'en parler pour l'apporter à votre attention, c'est l'accord ou le Trans-Pacific Partnership, alors le partenariat trans-pacifique. On en parle ici dans cette édition du 20 juin de la CBC News. Ça se trouve à être un accord commercial qui va avoir des impacts très importants sur l'Union, en fait, sur l'Amérique du Nord et puis l'Europe, ainsi que d'autres nations qui vont s'y joindre et qui vont totaliser finalement un PIB de 17 trillions de dollars mis ensemble. Alors, on a inclus ici la Nouvelle-Zélande, le Chili, le Singapour et autres nations comme les États-Unis, l'Australie, le Pérou, le Vietnam, la Malaisie. Alors, imaginez la zone incroyable, le Canada, le Mexique, qui sont maintenant considérés comme étant des membres. Et possiblement que le Japon s'y joindrait. Alors, écoutez, on raconte ici dans cette édition du Toronto Star un article qui révèle que les accords de ce TPP, de ce partenariat transpacifique, sont secrets. Alors, on dit tout le temps que c'est pour développer l'économie, pour finalement faciliter les accords commerciaux entre les différentes nations. Mais curieusement, ces trucs-là sont tout le temps discutés en secret, malgré qu'ils ont des conséquences très importantes sur l'économie, sur nos conditions de travail, etc. Bon. Alors, intéressant. Une autre nouvelle fort intéressante publiée le 6 juin dans le Forbes magazine, où on parle de Online for Peer-to-Peer Lending. Alors, des prêts de pair à pair sur l'Internet. Très intéressant. Une nouvelle vague qui est en train de devenir de plus en plus populaire sur l'Internet. Il faut se référer bien souvent à des termes anglais, là, malheureusement, là, mais c'est peer-to-peer lending. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des prêts personnels via l'Internet, utilisant des sites comme lendingclub.com, prosper.com. Alors, écoutez, vous avez, après 6 ans d'expérience, et puis quelques hauts et bas, incluant une crise financière et puis une récession, vous avez peer-to-peer lending qui a finalement gagné sa place dans le menu des investisseurs. Alors, écoutez, on se trouve à finalement faire des prêts à l'un à l'autre sur Internet. On se trouve à être des grands pools, si on veut, des grands bassins d'utilisateurs. Alors, des gens vont prêter de l'argent et puis vont retirer des taux d'intérêt comme une banque et puis vont prêter cet argent-là à d'autres personnes. Et puis, on dit qu'il est maintenant possible de toucher au moins 6% de retour sur les prêts qu'on fait, en faisant des prêts relativement sécuritaires, comme on dit, à des étrangers complets. Alors, vous en avez un, par exemple, le Lending Club de San Francisco, qui est le plus important, là, de peer-to-peer, suivi par un autre qui s'appelle Prosper. Et puis, vous avez Prosper qui a prêté un total de 1 million de dollars depuis ses débuts, à travers 112 000 prêts qu'ils ont faits, qu'ils ont accordés. Vous avez le Lending Club qui a récemment passé plus de 45 millions de dollars en prêts en un mois, contre 13 millions de dollars pour Prosper par mois. Et ils disent que, bien sûr, des gens font banqueroute, mais ils disent que les gens, en fait, ces clubs-là s'attendent à des banqueroutes dans 1,4% des cas, en fait, dans les cas de les prêts les plus risqués. Et on dit qu'on offre des taux aussi hauts que 25% dans les trucs les plus risqués, là, avec des retours de 9,8% de banqueroute. Alors, quand même, c'est assez particulier, là. On dit que 1,4% de taux, là, de banqueroute est beaucoup plus bas qu'une banque normale, là. OK? Donc, quand même assez intéressant. Pour ceux qui voudraient emprunter ou prêter de l'argent sans les banques, hein? Donc, on élimine la banque comme étant un intermédiaire. Avec des taux excellents, ben, vous pouvez vous rendre à ces deux adresses: www.lendingclub.com et puis www.prosper.com. OK? Donc, quand même. Bon. Alors, dossier Syrie. Alors, encore là, bon, ben, écoutez, là, on en parle à chaque émission. Donc, des fois, j'ai peur de me répéter, là. C'est des nouvelles qui sortent quand même à chaque semaine, alors ça vaut la peine quand même d'en faire le tour brièvement, là, mais vous devez comprendre quand même ce qui se passe là-bas, et puis brièvement, là, ce qu'on retrouve dans les nouvelles alternatives. Bon, écoutez, on parle des fausses attaques, là, pavillons, là, les false flags, là, de l'OTAN, évidemment, qui se préparent, différentes alertes. Là, vous avez les États-Unis qui ont déclaré que la Syrie sera en train de transporter ou de déménager des gaz qui affectent le système nerveux, alors qu'on la sortait de différents entrepôts, ne citant aucune évidence, simplement n'ayant aucun fondement. Mais on dit qu'on a des rapports d'activistes déclarant que on serait en train de déplacer des armes chimiques pour une utilisation potentielle possible contre des rebelles anti-régime ou des civils, ou possiblement dans des campagnes de nettoyage ethnique. Bon, alors, ben, des gens qui déclarent comme ça dans les médias, des supposés officiels américains, mais qui parlent sous le couvert de l'anonymat, qui n'ont aucune évidence, qui déclarent ça au Wall Street Journal. Bon. Alors, voyez un peu la crédibilité du type d'information. On est en train de propulser de la propagande, de préparer l'esprit des gens. Après ça, on va faire péter une bombe chimique à quelque part dans une ville. Après ça, on va blâmer le gouvernement de Assad. On dit que bien qu'il possédait cette information, les officiels américains refusaient de révéler l'endroit où ces armes étaient en train d'être déménagées ou sorties de leur entreposage. On n'a donné aucun détail sur la nomenclature des armes, ne disant seulement qu'ils étaient extrêmement inquiets à propos des réserves de la Syrie de gaz sarin. Bon, voilà des nouvelles très crédibles des médias de masse avec des gens qui ne sont pas identifiés, avec des sources d'informations non identifiées. Hein? Et voilà. Ensuite, une autre nouvelle qui dit que les rebelles syriens essayent de cibler l'utilisation d'armes chimiques blâmées Damascus. Un rapport ici, bon, c'est les forces armées d'opposition syrienne qui ont mis leurs mains sur des armes chimiques. Ah, ben regardons ça, qu'ils ont acquis de la Libye. Ah, selon des rapports des médias. Ah, ben voilà, voilà qui est en train de déplacer des armes chimiques. Alors imaginez des rebelles syriens, oui, les fameux terroristes qu'on a introduits, hein, de l'extérieur, en provenance de différents pays, hein, donc du Qatar, de la Libye, ainsi de suite, et qui soudainement se retrouvent avec des armes chimiques, et puis là, soudainement, oups, regardez bien, là, dans les prochains temps, là, dans les prochaines semaines, si vous voyez une attaque avec des armes chimiques se produire à l'intérieur de la Syrie, et puis qu'on blâme ça directement sur le gouvernement de Assad, eh bien, peut-être que là, ça va faire sonner des petites cloches dans votre tête, hein? Eh bien, voilà. Alors, quand même assez intéressant. Alors, on utilise, on planifie d'utiliser ces armes contre des civils et puis, évidemment, de blâmer ces atrocités sur le régime de Bachar al-Assad. C'est un rapport par Dame Press qui clame que les groupes d'opposition en possession de ces armes sont en train d'être entraînés pour leur utilisation en ce moment à l'intérieur de la Turquie. Quand même. C'est spécial. Ensuite, les États-Unis qui engagent des rebelles pour enlever le gouvernement du président al-Assad, selon des analystes. Alors, ça, c'est un des objectifs principaux de la politique étrangère des États-Unis dans ce pays arabe. Hein? Donc, c'est que, écoutez, on veut enlever le président Bachar al-Assad du pouvoir. Donc, on dit que c'est une insurgence armée et que le but de ces insurgés armés qui sont financés, entraînés et armés par les États-Unis et puis Israël, c'est un changement de régime. On dit que c'est une force militaire qui est supportée par les États-Unis. Alors ça, c'est Don DeBar qui a déclaré ça dans une interview avec Press TV. On dit que les oppositions armées, d'ailleurs, ont refusé de déposer des armes, de négocier un plan de paix proposé par l'envoyé des Nations Unies de la Ligue arabe, Kofi Annan. Alors, vous avez la Russie qui, de son côté, elle, a essayé de livrer des hélicoptères à la Syrie. Excusez-moi. Donc, la Russie, évidemment, qui va s'interposer là-dedans, là, la Russie qui va aussi, qui va livrer des systèmes de défense aérien à la Syrie. Des bateaux de guerre russes qui sont en train de pratiquer des manœuvres et puis qui vont apporter d'autres équipements militaires nécessaires, en fait, qui pourraient être nécessaires pour se défendre éventuellement. Alors, on va apporter ça à la Syrie. Ensuite, vous avez la Russie qui se prépare pour, qui prépare son armée pour un déploiement en Syrie. Alors, toutes sortes de nouvelles qui vous montrent qu'on se prépare à un showdown. Ça continue. Ensuite, vous avez la défense de la, le ministre de la Défense russe qui a envoyé un groupe de bateaux dans la mer Méditerranée. Une de leurs destinations est le port syrien de Tartus. Ça, c'est les Marines russes qui s'en vont vers là-bas. Ensuite, vous avez le président Shimon Peres qui a annulé son voyage pour les Jeux olympiques de Londres, supposément pour l'observance du Shabbat. Mm-hmm. Il dit que, apparemment, que bien qu'il n'est pas religieux, il ne travaille pas publiquement sur durant les jours du Shabbat. Et puis qui, à cause de ça, ne sera pas capable d'être présent lors des cérémonies d'ouverture des Jeux olympiques. On dit que les sources du comité d'organisation étaient mystifiées par l'annonce du président israélien. Alors qu'il y avait... Bon, écoutez, ils avaient réservé, ils avaient des hôtels qui étaient disponibles là, à seulement deux blocs là, du village olympique. Hein? Alors, Shimon Peres, qui était probablement un des maîtres penseurs terroristes des attaques du 9-1-1, est peut-être en train de planifier une autre fausse attaque terroriste à quelque part. Hmm? Quand même assez étrange. Alors, toutes sortes d'affaires qui fomentent comme ça, comme vous voyez. Donc, là, on essaie de lancer cette propagande dans les médias pour façonner l'esprit des gens, comme quoi que là, les armes de destruction massive sont en train d'être déployées par la Syrie pour être utilisées contre possiblement leur propre population pour faire des nettoyages ethniques. Et puis, est-ce que ceci sera utilisé comme faux prétexte pour attaquer la Syrie? Ça va être à suivre. Vous avez les États-Unis qui ont prédit un autre massacre de style Oula en Syrie. Alors, c'est comme particulier. Ils ont une boule de cristal, fait qu'ils voient ça arriver. Vous voyez là, un peu tous les signes là, qui pointent vers ça. Ils ont même mentionné des endroits exacts où c'est que ça pourrait arriver. Donc, c'est quand même assez particulier. Là. Comment ça se fait qu'ils possèdent de l'information aussi précise, hein? Quand même assez particulier. Tout aussi bien de mettre des enseignes lumineuses là, qui illuminent et puis qui scintillent. Alors, fausse attaque terroriste en processus. Alors, on est en train de préparer ça pour vous. Hein? Alors, attendez-vous à un beau massacre, une belle attaque vraiment insidieuse et horrible qu'on va blâmer sur Assad. Hmm? Donc, gouvernement américain et israélien qui se prépare pour une guerre contre la Syrie se prépare à la prochaine étape, le coup des médias. Alors, évidemment, vous avez les États-Unis, l'OTAN, l'Arabie Saoudite, Israël qui continuent de fomenter le trouble en Syrie pour avoir cette fameuse guerre plus importante qu'ils veulent avoir dans la région. On dit qu'il est maintenant rapporté que l'administration Obama veut imposer une zone de no-fly zone, en fait, une zone où c'est qu'une zone aérienne de non-vol, là, illégale, contre la Syrie. Et puis, on est en train de se préparer à une intervention militaire dans la région. Hein? Donc, on a plusieurs rapports que les rebelles de l'opposition sont en train de planifier d'utiliser des armes chimiques et puis ensuite blâmer des atrocités sur le régime de Assad. Bon. Donc, d'autres nouvelles qui viennent documenter ceci. Hein? Ce ne serait pas, ce n'est pas une grosse surprise pour les auditeurs d'Autre Monde quand ça va arriver, en tout cas. Ensuite, bon, ben vous avez des terroristes rebelles syriens qui ont bombardé une autre pipeline de gaz, de pétrole. Un groupe armé qui se combat contre, qui se bat contre le gouvernement syrien du président Bachar al-Assad. Alors, on est en train de foutre le trouble, hein, de déstabiliser la Syrie de l'intérieur. L'implosion de l'histoire du massacre de Houla, est-ce que quiconque porte attention à ce qui se passe? Là, vous avez une publication mainstream assez respectée qu'on appelle le Frankfurter Allgemeine Zeitung, alors FAZ, FAZ, qui a rapporté que le fameux massacre de Houla en Syrie, lequel les États-Unis et l'OTAN avaient espéré être le point de départ, si vous voulez, la justification de leur invasion planifiée, était en fait un acte commis par les forces rebelles, vous avez bien entendu. Alors, bien souligné dans le National Review, et puis dans cette enquête du FAS, qui est complète et très convaincante, on rapporte cette histoire. Eh bien, voyez, eh bien oui, eh bien oui. Alors, c'est comme ça qu'on fonctionne. Plusieurs fois, j'en parle, et puis les évidences sortent semaine après semaine, et puis ils pointent tous dans la même direction. Ensuite, vous avez le député militaire israélien qui a averti que les stocks d'armes chimiques de la Syrie pourraient être utilisés sur Israël. Ça menace Israël. Ah bon, regardons ça. Ça, c'est comme quand Israël avait déclaré exactement la même chose à propos des stocks d'armes chimiques de Saddam Hussein, qui finalement n'existaient pas du tout. L'histoire se répète et se répète et se répète et se répète et se répète et se répète et se répète. Les rebelles syriens qui ont pris contrôle de des bases aériennes, de batteries de missiles près de Homs. Alors, voyez ces gens-là qui pourraient être vraiment une opposition du peuple semblent bien entraînés pour prendre contrôle de zones militaires ou de zones stratégiques très importantes. OK? Et rappelez-vous aussi que le plus vite que ce régime de Bachar al-Assad tombe, plus vite on va voir une date pour l'attaque de l'Iran, qui est le but ultime derrière ça. Alors, notre article qui parle ici des insurgés qui sont nommés pour comme étant responsables des massacres syriens. Alors, vous avez le média d'État Sana, un documentaire qui a été produit qui discute des incidents à Damascus. Ils ont nommé des terroristes recrutés par les pouvoirs occidentaux, Jabhat al-Nusra, comme étant les terroristes responsables de ces attaques et d'autres attaques avant ça. C'est un documentaire syrien qui a été d'ailleurs rapporté par des médias allemands. Vous avez une journaliste russe, Marat Musin, qui a révélé la même chose, basé sur des observations de première main et puis des témoignages de première main qui ont réfuté la désinformation et les mensonges occidentaux et israéliens. On a des escadrons de la mort qui ont été engagés par les pouvoirs occidentaux qui portent la pleine responsabilité de ces massacres qui ont été faits. Les forces gouvernementales n'avait aucune implication dans ces massacres. Imaginez. Guerre de propagande, c'est comme ça que ça se passe. Le massacre de Houla a été commis par la Free Syrian Army. Ils ont accusé le gouvernement de Bachar al-Assad. Propagande guerrière de l'OTAN. Le gouvernement syrien accusé des atrocités commises par les escadrons de la mort, rapporté par Tony Carlucci. Il est de plus en plus évident que le gouvernement syrien n'est pas responsable des tirs d'artillerie qui ont tué 32 enfants de leurs parents. Tout ça indique au contraire que c'est l'œuvre d'escadrons de la mort financés par les États-Unis. Syrie, opération terroriste appuyée par les États-Unis. Tuer des civils innocents pour justifier une guerre humanitaire, écrit par Michel Chostovski. La doctrine militaire américaine envisage le rôle central d'événements produisant un nombre important de victimes dans lesquelles des civils innocents sont tués pour justifier leur guerre, pour fomenter le désarroi, le dégoût dans les populations, puis après ça justifier de partir des guerres d'agression contre ces pays-là. Israël qui voit la main iranienne dans les tueries en Syrie. Bon, alors voyez les genres de liens qu'on essaie de faire. Toujours la même petite affaire. Les médias et les causes sans fondement pour les interventions. La BBC qui a été prise la main dans le sac pour utiliser une photo de corps. Hein? On parle de corps morts. En 2003 en Irak comme étant des évidences de massacre en Syrie la semaine dernière. Vous avez bien compris. On a utilisé une vieille photo de 2003 de gens qui étaient décédés. Une image qui provient de l'Irak, qu'on a essayé de vous passer comme étant des évidences d'un massacre en Syrie la semaine passée. Aïe aïe, la BBC. Là, voyez les manipulations directement dans votre figure, là. On disait que ce massacre était un acte de l'Al-Qaïda en Syrie. Alors que les médias occidentaux et puis les Nations Unies ont essayé de façon désespérée de nous convaincre que c'était le gouvernement syrien qui était derrière ce massacre et ainsi générer un genre de consensus public complètement fabriqué en carton pour supporter une intervention étrangère en Syrie. Incroyable. Incroyable. C'est dans votre face. C'est dans votre face. Pendant ce temps-là, les Nations Unies parlent de ces 108 tués en Syrie qui, en fait, ont été exécutés. Hein? Des gens dont des enfants qu'on a descendus dans leur maison. Incroyable. L'Al-Qaïda et puis l'Occident qui font équipe pour piéger le gouvernement syrien dans cette propagande de massacre, en fait, qui est vraiment arrivée, mais qu'on essaie de blâmer à tort sur le gouvernement syrien. Un autre article qui parle de ça. Pendant ce temps-là, vous avez la secrétaire d'État Hillary Clinton qui a admis que les États-Unis ont créé l'Al-Qaïda. Vous avez une vidéo de ça ici. Eh ouais. Israël qui... on rapporte ici envoie de façon illégale, on achemine des armes vers la Syrie à travers le Kurdistan irakien, selon les sources syriennes. Alors, vous avez des avions israéliens qui acheminent de l'armement à l'intérieur de la Syrie à travers la région du Kurdistan, selon les sources de Press TV. Avec l'assistance financière du Qatar. Et puis, vous avez le président du gouvernement régional du Kurdistan, Massoud Barzani, qui a facilité ces opérations de firmes israéliennes, ces opérations illégales dans la région. Ouais. Donc, des nouvelles quand même assez importantes, comme vous voyez, là, je veux dire, ça vous laisse un peu pantois, là, hein, à quelque part, là, je veux dire, c'est pas de quoi, là, qui réellement, qui est facile à prendre si vous êtes pas au courant de niveau de manipulation, là, puis de mensonge qui a lieu dans les médias, et puis à la tête de, bien souvent, de tous nos pays. Obama qui, lui, veut augmenter les limites d'attaque aérienne et puis de no-fly zone en préparation d'une guerre pour la Syrie. Obama qui a augmenté la surveillance des services d'intelligence. Donc, d'augmenter la surveillance d'Israël. Là, un développement très, très intéressant. Ici, là, on dit que la communauté du renseignement américaine a intensifié sa surveillance d'Israël et puis de son appareil militaire. Selon des sources diplomatiques occidentales, on déclarait que le président Barack Obama a ordonné cette intensification de la surveillance de l'appareil militaire israélien de son gouvernement. On dit que Obama veut s'assurer que son administration collecte suffisamment d'informations qui pourraient indiquer un plan israélien d'attaquer soit l'Iran ou la Syrie. Alors, imaginez, voilà quand même assez particulier comme nouvelle. Pas complètement sûr que l'administration Obama fait confiance totalement à Israël, et avec raison. Bon, ensuite on a ici Hillary Clinton qui a annoncé des plans d'enlever le président syrien Bachar al-Assad du pouvoir et qu'on est en train de parler de plans pour le remplacer, d'intervention, ainsi de suite. Alors, d'autres nouvelles qui font état de ça. Ensuite, on parle, les Nations Unies ont déclaré que la Syrie est dans une guerre civile alors que les rebelles ont lancé des offensives massives dans le pays. Alors, vous avez un autre ici, un envoyé, un membre jordanien des équipes d'observateurs des Nations Unies en Syrie qui a déclaré que ses coéquipiers en fait, sont en train de mener des missions d'espionnage en collectant de l'information à propos des quartiers généraux militaires de la Syrie. Oh, ben, c'est assez spécial que les Nations Unies soient impliquées dans des missions d'espionnage, n'est-ce pas? Ensuite, vous avez le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, lui qui a déclaré au Conseil de sécurité des Nations Unies qu'il ne permettrait pas un mandat d'intervention externe en Syrie. La Chine, la Russie unie contre une intervention en Syrie. Une autre nouvelle qui parle de ça. Ensuite, vous avez un autre journal important en Chine qui ont averti contre une intervention armée en Syrie. Alors, vous voyez là, la Russie et puis la Chine qui sont fermement contre une intervention externe en Russie. Clinton, la Russie doit embrasser un changement de régime en Syrie. Ah, on menace. Ensuite, une autre importante nouvelle ici, où on apprend du Daily Star, un média anglais, où on parle de plans des Britanniques d'utiliser des camps qui seraient mis en place sous le prétexte d'aide humanitaire en Syrie pour diriger des opérations militaires à l'intérieur de la Syrie. Ah ben voilà. Ensuite, vous avez le SAS, SAS et puis le MI6 qui sont... On se dit prêt à monter des camps à l'intérieur de la Syrie. Alors ça, selon un rapport du Daily Star, encore, des forces spéciales britanniques qu'on veut installer à la frontière de la Syrie avec le Jourdan, la Turquie et le Liban. Et puis des Special Air Service, SAS, les troupes du MI6 aussi, les agents. On veut aider les rebelles si une guerre civile prend place dans le pays. Mm-hmm. On les aide avec des ordinateurs high-tech connectés aux satellites et puis des radios qui peuvent instantanément envoyer des photos et puis des détails d'événements qui se déroulent en Syrie. On dit que ces gens, des gens dans les communications, les unités de communication, sont les signaleurs et puis qui peuvent aider. Alors voilà, donc vous voyez, on dit que les troupes britanniques feraient part d'une force internationale incluant les Français puis les soldats turcs, possiblement les Américains. Ah ben oui. Alors voyez un peu tout ce qui se trame autour de ça. Alors voyez un peu là que ça n'a rien à voir qu'un soulèvement populaire en Syrie, hein? Bon, alors les rebelles syriens, eux autres qui tuent 100 soldats du gouvernement, alors qu'il répudie le cessez-le-feu des Nations Unies, c'est la Free Syrian Army qui a déclaré qu'il n'était plus lié par le cessez-le-feu qui avait été mis en place avec l'aide de Kofi Annan, des Nations Unies puis la Ligue arabe. Alors, vous voyez, qui tue des centaines de personnes. Hein? Ensuite, vous avez ici un religieux français qui a déclaré que les soldats syriens faisaient face à des combattants étrangers, des mercenaires, des militants. Alors, des gens qui sont sur le plancher là-bas et puis qui vous racontent vraiment ce qui se passe là-bas. La Syrie qui a banni ensuite des diplomates européens et américains. Un paquet de nouvelles comme ça là qui continue de rouler. Les Nations Unies et les États-Unis qui ouvertement mènent une guerre en Syrie. Vous explique ici pourquoi. Une guerre en nous. Les États-Unis qui envoient son quatrième, le porte-avions. Et puis des douzaines de drones sous-marins vers l'Iran. Alors, très important déploiement militaire dans cette région-là. Pour déployer des effectifs comme ça, c'est parce qu'il faut avoir des objectifs. Là, ça coûte des fortunes. Là, ça demande des planifications de très longue haleine pour en venir à ça. Alors, finalement, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on déplace pas ces trucs-là juste pour rien, là, sans intention. Là. Un autre article ici qui est rapporté par le RT.com News. Israël qui se dit super prête, c'est citation, à attaquer l'Iran selon son chef de la défense. Alors, ça, c'est Benny Gantz, alors le Israeli Defense Forces Chief of Staff, a déclaré que les Israéliens étaient super prêts à attaquer l'Iran. Ben oui, alors on voit vraiment qui est excité au prospect de la guerre dans cette région. Puis là, on accuse évidemment l'Iran de toutes sortes d'esprit de niaiserie, là, l'Iran qui apparemment donnerait à Assad du personnel pour tuer son propre peuple, alors toutes sortes de niaiseries comme ça pour essayer de démoniser autant la Syrie que l'Iran, sans aucune preuve tangible, avant de faire des accusations pareilles, alors Netanyahou qui arrive avec des niaiseries comme ça, alors évidemment que vous allez voir un barrage de propagande assez hallucinante comme ça qui va vous être présenté. Ensuite, aux États-Unis, ben, vous avez le Pentagone qui est en train de considérer donner des médailles d'honneur pour les pilotes de drones à distance qui traversent des bases militaires. Alors, c'est incroyable. Je vous donne une médaille pour avoir poussé sur le bouton bleu. Et maintenant, voici une médaille là pour avoir pesé sur le bouton rouge et puis avoir tué une famille de 20 personnes avec toutes les femmes, les enfants, les hommes et puis les vieillards. Fantastique! Ah oui, donner des médailles de bravoure pour des pilotes de drones à distance qui tuent des personnes à distance sur des champs de bataille à distance. Alors, n'est-ce pas assez incroyable? C'est comme si c'était pas assez. On apprend ici d'un article de Madison Rupert, un contributeur du Activist Post, qu'on a des lasers basés au sol qui peuvent être utilisés pour augmenter la durée de vol de ces drones-là de façon indéfinie. Là. Quand on dit indéfinie, là, on dit qu'on peut augmenter cette période de temps de 2400%. Là. Alors, quand même assez particulier. Là. Ensuite, on dit dans une autre nouvelle que 18 000 corps de département de police américain ont reçu des pitchs de vente par les manufacturiers de drones pour les utiliser. Alors, on veut vraiment vendre ces drones-là à tous les corps de police aux États-Unis. L'armée américaine qui opère maintenant des drones de façon domestique, ici je parle à l'intérieur des États-Unis, et qui partage ces données avec les corps policiers. Hein? Donc, Global Hawk Drone qui s'est écrasé au Maryland, USA. Ben là, c'est parce que ces drones-là, à un moment donné, c'est des machines aussi. Hein? Alors, une fois de temps en temps, ben, elle va tomber du ciel. Et puis, coudonc, qui sait, peut-être qu'ils vont tomber sur la tête de votre enfant. Hein? Fantastique de voir ça. Pendant ce temps-là, les États-Unis continuent de faire des massacres eux-mêmes avec ces fameux drones. On a tué 15 personnes ici dans le nord du Waziristan. Dans une attaque dans une zone contrôlée par les talibans au Pakistan. Ensuite, les officiels ont déclaré que les drones américains ont tué 10 personnes, des militants suspectés au Pakistan. Alors, une autre attaque ici de drones, 27 personnes qui sont tuées en juste 3 jours, alors qu'on a augmenté les attaques par le drone américain au Pakistan. Donc, selon Jeremy Scahill, qui est un reporter très important, très, très crédible aux États-Unis, qui a beaucoup enquêté là-dessus, puis des compagnies comme Blackwater, et ainsi de suite, a déclaré que finalement, ces attaques aériennes par drone d'Obama sont ni plus ni moins des meurtres de masse. Hein? Donc, plusieurs nouvelles comme ça. L'Israël qui va déployer des intercepteurs de missiles sur la frontière égyptienne. Les Nations Unies critiquées pour avoir engagé des compagnies qui sont impliquées dans des abus des droits humains. Quand même, là, vous voyez là des multitudes de nouvelles assez chocs comme ça. Et puis, on va terminer rapidement avec quelques nouvelles de vaccins et ainsi de suite. Là, puis, on va s'arrêter là-dessus. Là. Vous avez l'Organisation mondiale de la santé qui a fait échec en fait dans ses efforts pour défendre le mercure dans les vaccins devant les Nations Unies. Alors, ils vont devoir se plier devant la coalition pour les médicaments sans mercure et d'autres organisations. Alors que là, vous avez l'OMS qui a déclaré en 2004 dans ses lignes guides qu'on devait éliminer, réduire et remplacer le thimérosal dans les vaccins. Et puis, ben écoutez, ça c'est un fait qui est très important, là, je veux dire, à se rendre compte, là, c'est de savoir que le thimérosal est un dérivé du mercure et qu'on inclut ça dans un paquet de vaccins. Alors évidemment que le mercure porte atteinte directement au système nerveux central, c'est vraiment pas quelque chose de bon. Les vaccins du H1N1 liés à des potentielles maladies ou dégradations fatales du système nerveux central, rapporté par le journal de Telegraph. Alors, les vaccins qui ont été utilisés durant la grippe aviaire, durant la supposée pandémie, peuvent augmenter le risque de désordre du système nerveux central et causer des paralysies temporaires. Et puis, écoutez, là, les chances augmentent de 3 fois selon une étude, là, si on a pris ces médicaments. Donc, c'est des chercheurs au Canada qui ont trouvé que pour chaque million de doses du H1N1, de ces fameux vaccins qui ont été administrés en 2009-2010, on avait 2 cas de plus de syndrome Guillain-Barré qui peuvent avoir, dans des cas extrêmes, des conséquences fatales. Okay? Alors, des vaccins aussi combinés qui produisent un virus mortel. Alors, ça aussi, c'est un autre truc assez important où on s'est rendu compte que 2 virus provenant de vaccins provenant là, des... utilisés pour vacciner des poulets, se sont recombinés dans un virus qui pouvait rendre malade et tuer des animaux. Alors, c'est une recombinaison de 2 variétés comme ça qui peuvent arriver et que personne ne pense et puis qui finit par donner des super virus qui sont effectivement extrêmement dommageables et potentiellement mortels et très difficiles à arrêter. Le vaccin pour la polio orale en 2011 a paralysé 47 500 enfants indiens. Okay? Alors là, ici, vous avez les sources, le NDNJ Med Ethics, alors le numéro de la brochure, et ainsi de suite. Là, vous avez tous les détails là, de ce truc-là, le courriel du département de pédiatrie. Pédiatrique là, de l'hôpital à New Delhi. Là, vous avez tous les détails. Là, donc, très, très important ici de voir tout ce truc-là super bien documenté où on apprend que 47 500 nouveaux cas de paralysie ont apparu chez les enfants indiens après avoir été vaccinés par ce vaccin. Alors, les fameux vaccins, là, écoutez. Là. Les scans CT par radiation, le TRIP, les risques de tumeurs cervicales chez les enfants. Alors, faites attention avant de soumettre vos enfants là, à des rayons X ou des CT scans, comme on les appelle. Là. Alors, ça, c'est une étude publiée dans le journal médical de Lancet, où c'est que des scientifiques ont découvert que ces fameux scans peuvent déclencher des cancers qu'ils devraient être utilisés seulement quand c'est cliniquement justifiable complètement. Alors, vous avez des docteurs qui utilisent fréquemment ces CT scans pour examiner, par exemple, des infections pulmonaires ou différentes maladies qui ne sont pas nécessairement nécessaires, là, OK? On peut les détecter d'autres façons. On dit en fait que ces CT scans émettent 10 fois plus de radiation que les rayons X normales. Alors, c'est évident qu'il faut limiter les radiations données en grande dose là, par ces fameux CT scans. Donc, fort important ici. Melinda Gates qui promet 560 millions de dollars pour la contraception. Melinda Gates, la famille, le family planning qu'on appelle, qui en fait a pour but de stériliser les femmes dans les nations en développement. Alors, en supportant cet effort, Gates croit qu'elle peut prévenir 40% des personnes qui, sinon, seraient venues au monde, en justifiant que la planification familiale était une façon de faire en sorte que les femmes étaient pour être plus en santé, étaient pour avoir des familles avec plus de succès et qui étaient pour rendre leur communauté encore plus prospère. Donc, écoutez, ça, c'est des plans ouvertement là, ouverts pour la dépopulation, le contrôle natal dans le monde. Là. Merck et puis ses équipes qui veulent faire équipe avec la fondation, la Gates Foundation, pour continuer cet agenda de dépopulation mondiale. Alors, vous avez eu le London Summit on Family Planning et puis le Bill and Melinda Gates Foundation qui ont promis 560 millions de dollars à leur campagne pour dépopuler les nations sous-développées. Alors, vous avez des leaders des nations, des corporations du secteur privé, des représentants des Nations Unies, puis des agents, des personnes des organisations non gouvernementales qui ont assisté à ce sommet. Warren Buffett et puis ses amis élitistes ont promis, en fait, se sont mis d'accord de donner beaucoup de leurs richesses à ces organismes de charité et ont contribué des stocks évalués à 1,52 milliards de dollars en son cadeau annuel à cette organisation. C'est incroyable. Melinda Gates Foundation. Ben ouais. Donc, c'est ça qu'on veut faire, là, c'est en train de se mettre ensemble les riches pour limiter la population mondiale. Gates, puis si vous avez encore là la WHO, l'Organisation mondiale de la santé, qui ont mis en place aussi des plans de vacciner les gens dans plus de 194 pays. Ils ont joint leurs forces dans ce qu'on appelle le Decade of Vaccine Collaboration, alors la décennie de la collaboration vaccinale, si vous voulez. Et puis, ils ont publié leur plan. Okay? Donc, c'est pas des choses là, de conspiration là, dans un cerveau malade d'une personne enfermée dans une cave. Okay? Ça s'appelle le Global Vaccine Action Plan. Le plan d'action global de vaccination qui pousse les gouvernements à travers le monde avec le pouvoir des Nations Unies pour les supporter à utiliser la coercition pour augmenter la vaccination globale à travers de programmes stratégiques mondiaux. Incroyable. Donc, tous ces gens-là qui se sont mis ensemble, la Bill and Melinda Gates, l'OMS, tous ces gens-là, le Global Vaccine Action Plan, les Nations Unies, tout ce beau petit monde-là qui se mettent ensemble, tout excité. De faire partie de cette opportunité incroyable de continuer leur effort pour éradier supposément la polio dans différents pays et qui vont finalement financer des campagnes de vaccination avec le support de leur partenaire international. Et puis, voyez, ces détails de ce plan-là incluent la livraison de vaccins entre 2011 et 2020, avec le but d'administrer ces immunisations à des nations sous-développées, comme en Afrique et en Inde. Hein? En Inde, comme on a vu, 47 000 personnes qui sont tombées paralysées à cause d'un vaccin. Hein? Alors, une initiative qui va essayer de dépasser ce qu'on avait préparé comme plan aux Nations Unies, le Millennium Development Goal. Alors, on disait qu'on voulait faire en sorte que l'immunisation devrait être reconnue comme étant un composant au cœur du droit à la santé de l'humain. Ah ouais, c'est incroyable. On dit que leur plan, leur mission de leur plan est de rendre en 2020 et au-delà, rendre à tout le monde la possibilité d'avoir l'immunisation et ses complets bénéfices. Oh, c'est fantastique. Oh, c'est absolument fantastique. En tout cas, ça va faire affaire aux grandes compagnies pharmaceutiques, hein? Alors, ils veulent stériliser les femmes américaines. Stérilisation ne va coûter absolument rien aux femmes sous le Obamacare. Et une autre nouvelle fort intéressante ici. Saviez-vous que la stérilisation ne coûtera absolument rien aux femmes sous le régime d'Obamacare? C'est une nouvelle loi qui s'en va, qui va prendre effet le 1er août et qui va requérir des plans de santé de couvrir la stérilisation pour toutes les femmes avec une capacité reproductive. Alors ça va être rendu gratuit pour les femmes américaines. C'est assez particulier. Incluant les adolescentes. Alors, eux autres, sous ces nouvelles lois, toutes les femmes américaines vont avoir accès à la stérilisation sans avoir à payer quoi que ce soit ou avoir aucun déductible. Fantastique. Moi, donc, plusieurs nouvelles qui parlent de ça, là, réellement, assez particulier comme truc, là. Donc, on termine avec quelques petites nouvelles et puis ça va être tout. Ici, on parlait d'un inspecteur du département de la santé qui, dans un village belge, s'est vu attaqué par les consommateurs du café de la poste et puis ils l'ont mis à nu. Alors, l'homme contrôlait finalement l'interdiction de fumer dans les bars. Et puis là, vous avez un commentaire fort intéressant ici de Michael Rivero, d'où je prends certaines de mes nouvelles, où il dit « Est-ce que vous vous posez pas la question pourquoi les gouvernements disent que fumer est mauvais pour vous, alors que vous voyez toujours les politiciens et les banquiers avec des gros cigares dans leur bouche? » Alors, il continue en disant que c'est vrai que le fertilisant minéral qu'ils utilisent pour faire pousser le tabac pour les cigarettes de basse qualité est fait avec des matériaux radioactifs. Ça, c'est vrai, là. C'est pas des niaiseries, chers auditeurs, là. C'est vrai, là. Mais que le tabac en lui-même, qu'on fait pousser de façon organique, là, de façon complètement naturelle, là, sans ajout chimique ou quoi que ce soit, n'est pas la source du cancer. En fait, est-ce qu'on essaie d'interdire de fumer parce que le tabac stimule le cerveau, rend plus alerte? Est-ce que les politiciens ne veulent pas les serres? Est-ce qu'on ne veut pas la population en général, la populace, hein, être, c'est-à-dire plus alerte, avec un cerveau plus stimulé? Vous savez, Aldous Huxley dans Brave New World, on disait que les citoyens de la basse classe étaient, on les forçait à consommer de l'alcool durant leur gestation, durant le temps que les femmes étaient enceintes, pour endommager leur cerveau, les rendant ainsi plus stupides et flexibles et plus répondants, plus esclaves. Hein? Alors, est-ce que c'est pour ça que la raison, une des raisons pourquoi l'alcool est légal? Alors que l'alcool tue les cellules cervicales, alors que, par exemple, le cannabis qui stimule la croissance des nouvelles cellules cervicales ne l'est pas. Pensez à ça deux secondes. Alors qu'on emprisonne aux États-Unis pour des offenses de possession de drogue entre 41 000, dont en fait c'est passé de 41 000 à 507 000 en 30 ans. Vous avez 500, pas un demi-million de personnes qui sont emprisonnées aux États-Unis pour des possessions simples de cannabis, par exemple. Alors, les gens en prison pour violation à ces lois contre la drogue sont passés de 41 000 en 1980 à 507 000 en 2010. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Pendant cette période de temps-là, les 30 dernières années, la population carcérale aux États-Unis a plus que quadruplé. Passé de 502 000 à 2,2 millions. Wow! Quand même assez incroyable. Donc voilà, chers auditeurs, c'est tout pour nous cette semaine et pour le reste du mois de juillet, du mois d'août, en tout cas officiellement ici sur Choc FM. Merci à Choc FM pour cette tribune pour l'émission. Et puis, on va se retrouver sporadiquement sur la chaîne officielle de L'Autre Monde sur YouTube. Alors, je l'ai assez dit. Alors, maintenant, allez faire votre tour. Et puis, sur ce, ben, portez-vous bien. Restez tout le temps à l'affût de ce qui se passe. Et puis, on se retrouve bien vite. Sur ce, je vous souhaite des bonnes vacances. Profitez bien de l'été. Je vous aime bien gros. Je vous embrasse fort. C'était François Marginant pour L'Autre Monde. Ciao tout le monde. Bon été. Bye bye.